un écrivain qui s'appelle Jacques Audiberti et qui disait ceci, « Je n'ai pas connu, c'était juste à la mort d'Antonin Artaud, je n'ai pas connu personnellement Antonin Artaud, je l'ai vu. Il était apparemment le plus conscient des hommes. Il cherchait à chaque seconde à faire affleurer à sa propre perception toutes les zones vivantes de son être. Il lui fallait à chaque instant que tout le monde soit sur le pont. Et par tout le monde, nous entendons, comme il l'entendait, les genoux, les bras, les atomes, tous les obscurs soleils qui se juxtaposent pour former le corps. » Voilà. Ça, c'est le point de vue de quelqu'un qui a vu Antonin Artaud à la... Il a fait une conférence qu'on appelait la conférence du vieux Colombier. Il est apparu en public. Artaud est enfermé, est interné dans les asiles. Et il y passe toute la guerre dans des conditions effroyables. Et il est sauvé par un médecin, le docteur Ferdière, en 1943, à l'asile de Rodez. Sauvé, mais c'est un sauvetage paradoxal parce que ce médecin, le docteur Ferdière, veut guérir Antonin Artaud, veut guérir ce génie. C'est un génie irréductible, insaisissable. Il veut le guérir et il souffre de troubles psychiques graves. Mais il souffre aussi de troubles physiques graves, puisqu'on va diagnostiquer bien plus tard, on ne le sait pas à cette époque, un cancer. Et donc on soigne la tête, alors qu'il aurait fallu aussi soigner, ou peut-être d'abord le corps. Et donc ce médecin pratique sur Antonin Artaud une nouvelle thérapeutique, qui est celle des électrochocs. Et donc c'est un duel très violent entre le malade et son médecin. Et donc cet homme... qui aurait dû mourir, réapparaît grâce à ses amis qui le sortent de l'asile de Rodez en 1946. Et parmi ses amis, il y a un jeune poète. Il va y avoir plus tard Audiberti qui n'est pas de ses amis, qui l'admire comme beaucoup de gens, comme André Breton, comme Jean Paulhan, comme Jean-Louis Barrault, comme Alain Cuny, etc. Mais il y a aussi un jeune poète qui va écrire son journal et qui va pas quitter d'une certaine façon Antonin Artaud du moment où il sort de l'asile de Rodez pour revenir à Paris, et qui écrit ceci, qui résonne avec ce que dit Audiberti. Lui, il dit « J'ai connu Antonin Artaud ». Vous vous souvenez que Audiberti disait « Je l'ai vu, je n'ai pas connu personnellement Antonin Artaud, je l'ai vu ». Et lui, Jacques Prevel, dit « J'ai connu Antonin Artaud, je l'ai suivi, c'est le seul homme que j'ai aimé. Les autres ne furent presque jamais mes amis, mais lui, je l'avais reconnu, je l'avais déjà connu, et quand il revint, ma vie fut totalement bouleversée. Je me souviens qu'Henri Thomas, qui est un autre écrivain, je me souviens qu'Henri Thomas me disait un jour, quand Artaud sera mort, on oubliera ses gestes nerveux, on ne se souviendra que de ses paroles. Mais moi, je n'oublierai pas Artaud tel qu'il fut, je le revois tapant brutalement du pied droit à s'en briser les jambes et portant la main à son nez qu'il serrait en projetant son souffle, la lançant aussi brutalement derrière son dos. » Donc voilà, on est dans cette peur du fantôme. Ces écrivains cherchent à retrouver le fantôme, ils croient au fantôme, et en même temps, le fantôme, on en a peur. Et donc là, ce qui est très intéressant chez Jacques Prevel, c'est qu'il a compris que Artaud était aussi ce personnage qui fait peur, qui inquiète, qui est inquiétant. Et c'est ça que, des années plus tard, je ne sais plus combien de temps après la mort d'Artaud, 50 ans, 60 ans après la mort d'Artaud, c'est ça que nous avons senti en retrouvant ses amis et ses proches d'Artaud. Leur impression, leur fascination, leur peur, leur émotion étaient toujours là. Dans son journal, Arthur Adamoff écrit « Marthe et moi décidons d'aller voir Antonin Artaud, oublié de tous, en traitement à l'asile de Rodez depuis le début de la guerre. Artaud, le visage traversé de tiques, ravagé, ridé, la bouche édentée. Il nous raconte sa vie, accuse le docteur Ferdière de le terrifier. Si vous n'êtes pas sage, monsieur Artaud, on va vous faire encore des électrochocs. Dans le train du retour, Marthe pleure, nous nous jurons, elle et moi, de sortir Artaud de Rodez. » D'abord, l'endroit était sinistre, plus sinistre peut-être même que la plupart des asiles départementaux qui n'étaient pas, vous savez, c'était en soi horrible. Et puis c'était tout de suite après la guerre. Il y avait encore très peu de nourriture, il y avait encore, c'était vraiment encore le moment de 17. Là, vous pensez bien comment ces gens étaient nourris. Et puis, les patients qu'entourait Antonin Artaud, et les seuls malades à côté de lui, c'était des, dans l'ensemble des goitreux des montagnes. C'était vraiment des débiles, c'était un spectacle absolument horrible de le voir parmi ces malheureux, avec lesquels il n'avait évidemment, pouvait avoir aucun contact. Il vivait dans un dortoir avec des bergers fous. Il y en avait un qui faisait toujours la même chose. Il faisait une petite église sur une planche qui tournait, qui était légèrement décentrée. Il la faisait tourner, c'est tout. Ça intéressait beaucoup Artaud et aussi le docteur Ferrière. Et Artaud commençait à faire des dessins à ce moment-là. Et le docteur Ferrière lui prenait les dessins. Il a pu avoir une collection des dessins. La personnalité de Dr. Ferrière m'a paru étrange, dès l'abord. Quand j'ai lui ai demandé, mais il a une chambre. Il m'avait dit, ah non, il n'a pas de chambre. Il ne veut plus de chambre. Il veut dormir au dortoir. Mais je lui ai dit, mais comment est-ce possible? Pourquoi? Ah ben, c'est parce que on le met dans une chambre quand il va avoir un électrochoc. Ouais, bon, c'était clair. En effet, il préférait dormir au dortoir, tellement il avait peur des électrochocs. Et il est certain que, qu'il l'ait voulu ou non, le docteur Ferrière avait fait de la menace d'électrochocs un instrument de coercition. À vrai dire, Artaud n'aurait jamais dû être interné. Il aurait pu très bien vivre, comme beaucoup de gens dont on dit qu'ils sont un peu étranges. Et il aurait bien très bien pu vivre et circuler. Le seul problème, c'était qu'il n'avait pas d'argent. C'est cela aussi qui empêchait sa sortie de Rodez, parce que il avait été interné d'office. C'est une particularité administrative qui est telle que pour sortir un malade qui est interné d'office, il faut que le médecin dise qu'il peut vivre à l'extérieur, mais il faut aussi que la famille se charge de sa vie matérielle et assure qu'elle pourvoira sa vie matérielle. Alors Artaud n'avait pas de moyens d'existence, sauf les livres qu'il écrivait, et pendant 9 ans, il n'avait pas publié. Et autrefois, il y avait le cinéma et le théâtre. Le cinéma, il n'en était plus question. Et le théâtre, à ce moment-là, il n'y pensait plus. Texte à l'image, séminaire du réalisateur Jérôme Prieur à l'EPFZ en 2016. Non mais je dois à tous ces gens d'avoir rencontré Artaud alors qu'il est mort en 1948, mais c'est comme s'il était tout près comme ça, et il est d'autant plus tout près qu'on voit que, si on voit le film sur sa durée, c'est un film très long, c'est un film qui fait plus de 3 heures. On voit que tous ses amis, si on est très attentif, et petit à petit, au fur et à mesure qu'on se familiarise avec chacun de ses visages, avec chacun de ses personnages, on voit que chacun se dispute son Antonin Artaud, et que il y a des jalousies, des rivalités qui sont toujours intenses si longtemps après. Alors je pense que peut-être quand on prend le film en cours de route, on se rend pas compte de cela, mais tout le film, du fait de son cœur, de sa diversité de points de vue, montre que ses affections, ses inimitiés sont toujours vivantes, et que c'est dans toutes ces différences que le portrait d'Antonin Artaud se met à exister, parce qu'il n'est pas idolâtré, c'est pas un portrait qui est fait dans la piété, et c'est ça qui le rend au contraire si vivant, si vibrant, je crois. Alors, juste peut-être pour vous précisez les choses, c'est-à-dire dans les personnages, les personnes qui sont mortes maintenant, il y a Paul Thévenin, cette femme qui bégaye et qui est extraordinaire d'expression. Il faut vous dire que c'est grâce à elle que l'œuvre d'Antonin Artaud a été éditée. C'est-à-dire que quand Antonin Artaud est mort, il y avait deux ou trois, l'équivalent de deux ou trois volumes des œuvres complètes qui étaient parues. Et aujourd'hui, il y en a près d'une trentaine. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à être remplacé, qui a consacré sa vie anonymement à faire exister l'œuvre d'Antonin Artaud. Il y a cette femme, il y a Marthe Robert, qui était quelqu'un, elle, qui était beaucoup plus liée, si j'ose dire, à Kafka. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé Kafka. Il y a Jacqueline Adamoff, qui était la femme d'Arthur Adamoff. Et puis, il y a quelqu'un que j'aime infiniment, qui est Henri Thomas, qui est un écrivain, un poète. Si vous pouvez lire deux livres de lui, vous serez récompensé. C'est « Ai-je une patrie ?», qui est un de ses derniers livres sur son enfance. C'est pas un récit facile, hein. « Ai-je une patrie ?». Et puis il y a un livre sur son séjour américain qui s'appelle « John Perkins », que j'aime aussi beaucoup, qui est en format de poche. Voilà. Mais ce qui est très fort dans l'ensemble de ces témoignages, c'est que tous ces gens-là n'ont jamais tiré gloire d'avoir connu, rencontré, fréquenté Antonin Artaud, qu'ils n'ont jamais accepté d'en parler et qu'il a fallu qu'à un moment, deux cinéastes viennent les voir et les persuadent qu'il était temps. Voilà. Et pour finir sur une anecdote, ce film aurait été infaisable, impensable, si Paul Thévenin, vu le rôle qu'elle a joué, n'avait pas accepté de faire partie du film. Et quand nous sommes allés la voir la première fois, elle a d'abord dit qu'elle refusait d'apparaître. Et puis, au fur et à mesure, au bout de 2 heures de conversation, elle a dit « Bon, je veux bien, à condition que vous ne montriez que mes mains. » Voilà. Et donc, nous avons montré ses mains, mais nous avons montré aussi qui elle était et qu'elle... comme pour tous, enfin, quel lien, quelle amitié, quelle affection, quelle relation il y a eu entre Antonin Artaud et chacun d'eux. Et je crois que c'est que le portrait d'Antonin Artaud résulte de toute cette addition, de cette confrontation, cette disparité, cette diversité. Jérôme Prieur, réalisateur de La véritable histoire d'Antonin Artaud. Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé suffit. Car mon être est beau, mais affreux. Et il n'est beau que parce qu'il est affreux. Précision utile, quoique peut-être superflue pour les connaisseurs, le « nous » utilisé par Jérôme Prieur inclut Gérard Mordilla, son complice dans Main documentaire, notamment la très vaste saga sur Jésus et les origines du christianisme. Cette précision faite, poursuivons la découverte de ce séminaire donné par Jérôme Prieur en 2016 à l'École polytechnique de Zurich. Alors je vous ai parlé ces dernières fois de passé, bien sûr, beaucoup de passé qu'on cherche à retrouver, de fantômes positifs, de traces fantômes. Souvenez-vous du Coran ou des évangiles dont on cherche à retrouver, dont on peut chercher à retrouver en empreinte, en creux, les traces de ceux qui, pour qui ces textes étaient faits, de ceux qui lisaient ces textes, de ce à quoi servaient ces textes, très loin de nous, écrits, lus il y a quelques centaines, voire quelques milliers d'années. Je vous ai parlé d'êtres humains, d'êtres vivants, Marcel Proust, René Char, mais aussi les anciens Égyptiens qui ont bâti les tombeaux des pharaons et des reines dans la vallée des rois, de ce qu'on peut retrouver d'eux, malgré le temps qui nous sépare. Je vous ai parlé de fantômes que l'on peut s'amuser à produire. Souvenez-vous d'Étienne Gaspard Robertson, l'inventeur de la fantasmagorie, l'inventeur de ces spectacles perfectionnés de lanternes magiques, qui le premier a osé projeter sur un écran des ombres animées pour à la fois faire peur à nos aïeux et à la fois les émerveiller. Je vous ai parlé de littérature, René Char, Marcel Proust. Et là, je voudrais vous parler de pierre, de ciment, de béton. Et je voudrais vous parler de fantômes négatifs, d'un passé nocif. Voilà, tous, vous avez dû voir, même s'il n'y en a pas beaucoup en Suisse, vous avez dû voir au moins sur des images, vous avez dû voir des blocos, des bunkers, ces blocs de béton qui sont sur le bord des plages de l'Europe du Nord jusqu'à la Méditerranée, mais beaucoup en France, sur les côtes françaises, ce qu'on appelle l'Atlantic Wall, le mur de l'Atlantique, sur lequel j'ai réalisé un film il y a quelques années, puis écrit un livre qui porte le même livre, Le mur de l'Atlantique, monument de la collaboration, et que j'ai écrit et que j'ai réalisé. Ça a été un long travail d'ailleurs, enfin un long travail parce que personne n'en voulait. Et puis, à force de ténacité, le mur a cédé, le mur du non a cédé, que j'ai voulu faire quand j'ai compris que ce mur, qui me paraissait, comme pour beaucoup de gens en France, mais sans doute dans le monde aussi, qui paraissait aller de soi, qui paraissait avoir été bâti par les nazis, cachait une histoire beaucoup plus sombre, beaucoup plus compliquée, en même temps assez évidente si on y réfléchit. Voilà. Mais je voudrais vous lire le début de la préface de ce livre, Le mur de l'Atlantique, monument de la collaboration, et le titre de cette préface, c'est « Des poches d'oubli ». Ils sont échoués sur nos plages, égarés au milieu de l'arrière-pays, perdus dans la campagne ou les sous-bois. Ces blocos, ces bunkers, on dirait des restes d'animaux, éléphants, baleines ou monstres fantastiques. On dirait des épaves préhistoriques, ou les débris d'engins laissés par des extraterrestres, des aérolithes, les monuments d'une autre planète que l'on ne saurait comment nommer, comme si des envahisseurs les avaient abandonnés parmi nous. Le nazisme est devenu un objet de musée. On contemple son bric-à-brac à l'abri des vitrines. Munitions de tout calibre, fusils d'assaut et croix de fer, uniformes reprisés, matériel rescapé, reliques de brocanteurs des années noires. Dehors, l'inquiétude qui radie toujours les blocs de béton fait de chacun de nous des archéologues, rôdant autour des vestiges du mur de l'Atlantique, cherchant l'entrée, découvrant à la lampe de poche les fenêtres aveugles, explorant les couloirs interrompus, le labyrinthe des portes murées, les chausse-trappes, les chicanes, les cachettes, comme s'il s'agissait de l'intérieur d'une pyramide. La nuit de ciment nous fascine, de par la puissance et l'énergie, positive comme négative, qui s'en dégage. Le passé vit encore. À travers l'odeur mate et toujours froide, à travers la puanteur ou les détritus, si l'on arrive à pénétrer à l'intérieur, on passe de l'autre côté. L'autre côté du temps, l'autre côté de l'histoire. Au fur et à mesure que l'on avance, courbé par les plafonds trop bas, évitant presque de marcher sur des mines, on pourrait entendre les ordres crier dans une langue rauque, les ululements des sirènes, les explosions, tous les fantasmes militaires de la Seconde Guerre mondiale se confondant au paysage. Les blocos sont les tombeaux du Troisième Reich. Une armée de soldats morts y est ensevelie. Leur obéissance aveugle et leur bravoure, leurs victimes aussi, leurs martyrs, leur barbarie. Dans le boucan des marais, des hommes seraient enterrés vivants à l'intérieur du béton, que nous n'en serions pas surpris. Français, souvenez-vous, hier, souvenez-vous Français, hier ce n'est pas si loin, le chômage, ce cancer de la société capitaliste, rongeait la France. Malgré un an de guerre en 1940, il y avait encore en France 1 074 188 chômeurs. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul chômeur en France. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a passé des commandes nombreuses à nos usines. Parce que l'Allemagne nous fournit les matières premières dont nous prive le blocus de nos alliés d'hier. Enfin, que de nombreux Français, soucieux de notre avenir, sont partis travailler en Allemagne. Et là, on voit, par exemple, dans la presse locale, des petites annonces qui montrent les offres nombreuses, en fait, qui sont liées au développement de chantiers allemands. Ce sont des recrutements qui sont cette fois effectués par l'Office régional de travail, par des intermédiaires, hein, des recruteurs qui sont des intermédiaires, qui recrutent dans des cafés, par exemple. Et puis, en 1942, très nettement, par les entreprises elles-mêmes, hein, qu'elles soient allemandes ou qu'elles soient françaises. Donc là, si vous voulez, on peut dire très clairement que la construction du mur de l'Atlantique a résorbé le chômage en France, en particulier dans la zone occupée, et donc qu'il a mis fin aux difficultés de l'emploi qui existaient depuis les débuts de l'occupation. Les blocos sont devenus invisibles, absorbés par le décor naturel, domestiqués par les enfants ou les amoureux, transformés en pages de graffiti, maquillés par les tagueurs et les peintres du dimanche, on ne les voit plus à force de les voir, de les savoir là à leur place. Ces monstres sont devenus des objets familiers. Ces bunkers si massifs qui défigurent le rivage sont des fantômes presque transparents. Le cimetière de l'armée morte qu'entretiennent ici et là des mains pieuses, des collectionneurs d'histoire, des admirateurs du génie militaire allemand, s'est refermé comme un écrin sur l'ennemi. Ces vaincus, on n'insulte pas leurs dépouilles, on les respecte, d'autant que ce sont autant de soldats inconnus. Les Allemands de l'ère nazie auraient-ils emporté un secret dans leur tombe? Quel secret? On ne sait même pas qu'il y a un secret. Un secret honteux puisqu'il dure depuis près de 70 ans. 2 à 3 générations se le sont transmis. Un secret bien gardé, un secret pourtant semblable à la lettre volée de l'histoire d'Edgar Poe. Personne ne voit cette lettre que tous cherchent, de même que personne ne voit le secret, tellement il est en évidence, tellement il est sous nos yeux. Ici, le secret est tu, le secret est un mur, le secret, c'est le mur de l'Atlantique. Demain, nous retrouverons Jérôme Prieur, enregistré en 2016 pour Histoire vivante au sein de l'École polytechnique de Zurich, pour son séminaire intitulé « Du texte à l'image et vice-versa ». Il sera question du désir de croire. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Christian Morero.